بسم الله الرحمن الرحيم. متن الأربعين النووية من الأحاديث الصحيحة النبوية. الحديث السادس: الحلال بين والحرام بين. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه الشيخان. Le sixième hadith, le licite et l'illicite. Abu Abdullah, An-Nu'man ibn Bashir, que Dieu soit satisfait de tout, a dit: j'ai entendu l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à lui, bénédiction et salut, dire: certes, ce qui est licite est clair, et ce qui est illicite, haram, est clair aussi. Mais entre l'un et l'autre, il y a bien des choses équivoques que la plupart des gens ne savent pas distinguer. Qui se regarde de l'équivoque purifie sa foi et son honneur, mais celui qui y tombe, tombe dans ce qui est illicite. Il est semblable au pâtre qui mène ses troupeaux aux alentours d'un territoire gardé, et alors bien vite il y fera paître. Chaque roi ne possède-t-il pas un territoire gardé? Le champ gardé de Dieu, ce sont les choses défendues. En vérité, il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, en bon état, permet au corps tout entier de prospérer et qui, en mauvais état, le corrompt en entier. C'est le cœur. Cité par Bukhari et Muslim. The sixth hadith. Permitted and forbidden. An-Nu'man ibn Bashir, may Allah be pleased with him, reported that the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, said: the permitted is clear, and the forbidden is clear. And there are matters between them that are unclear that not many people know of. Whoever avoids the unclear matters saves his religion and honor from being blamed. But whoever falls into the unclear matters has fallen into forbidden matters. It's similar to a shepherd herding their sheep close to a restricted land. They will imminently fall into it. Every king has a restricted area, and the restricted area of Allah is his prohibitions. In the body, there is a piece of flesh. If it is upright, the rest of the body follows. And if it is corrupted, the rest of the body follows. The piece of flesh is the heart. Reported by Bukhari and Muslim.